Ceux qui souffrent, c'est les qui n'a mot et maman. Onzième commandement, boini boko talanzuto. Yeah. Da, da, da, da.